Le soleil s'est levé tôt sur le Sénégal. Je sors de ma tente, il me réchauffe, c'est le régal. Je vois mon FKDK pour écarter les dégâts. J'enfile ma combi et je vais checker mes gars. Matin j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. On est à mi-chemin entre la baie et Tambacounda. J'ai les yeux fixés sur le drapeau à damier. Mon objectif c'est un Paris-Dakar à gagner. Prêt à m'élancer parmi les fenecs du désert. Mon épouse m'a dit si je gagne y'aura de la schneck au dessert. Je fais rugir mon moteur, à faire rougir les motards. J'emmène juste mon odeur, mon couteau et mon dard. Le soleil s'est levé tôt sur ma terre en gras. J'ai écrit mon nom Diallo sur la terre en gras. On m'a dit donne même en cas ton cas, car Dieu te rendra. Mais dans les plaines de Tambacounda, est-ce qu'il m'entendra? Du haut de mes 10 ans je viens de passer à Eid al-Kébir. Je rêve de l'Occident mais d'après Abdel c'est pire. Alors je pars jouer dehors avec mes amis d'école. Le soleil chauffe nos cœurs, on sent nos âmes qui décollent. Je joue avec les diopes en attendant le tiep. Tellement le sol est tiep, faut marcher du bout des yep. Il est 10h du mat et l'astre au zénith. La grande rue est pleine de monde à la traversée, on hésite. Le pied sur le champignon, je fonce droit vers l'arrivée. Le temps c'est de l'argent, chaque seconde est tarifée. Car il fait trop beau, plus personne dans mon rétro. Car je suis trop chaud, dans mes veines y'a de la nitro. Glycérine, rien à foutre de ce que dit Cérine. Mon copilote, ou même le MC qui écrit ses rimes. Pour moi rien ne compte, faut que monte le compteur. Afin que je démontre que je suis le ponte des conducteurs. La rage au ventre, je négocie un virage. Le sillage au centre, tiens, on approche d'un village. J'y rentre, je passe en 2-4-8 la 5ème. Je me sens fort, ça me rappelle une de ces putes au Saint-James. Les blancs nous aiment car ils paraît que le black blague. Mais j'ai vu l'avenir de l'Afrique dans une flaque de flag. Ils disent que notre économie n'avancera qu'en tandem. Qu'à cela ne tienne la main peine, je lève mon doigt et craque un dème. Je suis beaucoup trop jeune pour déjà me prendre la tête. J'aimerais faire la fête avec tous les gosses de la planète. La tête dans mes pensées, je vais retrouver mes parents pour assister au défilé qui repasse une fois par an. La foule s'entasse en masse, peu d'espace sur la place. On m'écrase, les godasses mettent devant sur la glace des vagues aux traces. Comme dans les films de Belmondo, quand soudain je ressens une pression dans mon dos. En traversant la ville, je vois des gosses qui me regardent. J'ai beau faire des signes, ils captent pas qu'ils me retardent. Et j'en ai tarté plus d'un en allant pisser. Écartez-vous, putain, vous me ralentissez. Ils respectent rien, c'est Assoun ou Haroun. Et dire qu'après on me traite de tout, de fou, de loup-garou. Pris dans mon élan, je pousse à Bouma Subaru. Quand je vois surgir un gamin qui passe tout à coup sous ma roue. Le temps de comprendre ce qui s'est passé. Et déjà mon présent s'est transformé en passé. J'ai vu ma vie défiler en un quart de seconde. Et j'ai quitté l'ironie qui incarne ce monde. Ironie devant ces gobas qui s'attellent pour Dakar. Combien d'entre elles sauront que je m'appelle Boubacar? Car beaucoup ne prennent ces drames que pour des légendes. À l'exemple de cet homme dont j'ai coûté les chances. Oh putain, il est sorti d'où ce con? Si ça continue, je vais terminer second. Je me rassure sachant que juste est la cause qui me pousse à croisader jusqu'au lacrose. Je m'éteins lentement dans ce Dakar sans fin. Combien de mes frères dans l'chlam vont encore clame sans vin? Car de même que mon âme, ce 4-4 s'en va avec un numéro de drame, le code 420.